Voyage d'amour, première partie, chapitre 5. Les deux fenêtres de la chambre étaient grandes ouvertes, et Paris, dans l'abîme qui se creusait au pied de la maison, bâtie à pic sur la hauteur, déroulait sa pleine immense. 10 heures sonnaient. La belle matinée de février avait une douceur et une odeur de printemps. Hélène, allongée sur sa chaise longue, le genou encore emmailloté de bandes, lisait devant une des fenêtres. Elle ne souffrait plus. Mais depuis 8 jours, elle était clouée là, ne pouvant même travailler à son ouvrage de couture habituel. Ne sachant que faire, elle avait ouvert un livre traînant sur le guéridon, elle qui ne lisait jamais. C'était le livre dont elle se servait chaque soir pour masquer la veilleuse, le seul qu'elle eût sorti en 18 mois de la petite bibliothèque, garnie par Monsieur Rambaud d'ouvrages honnêtes. D'ordinaire, les romans lui semblaient faux et puérils. Celui-là, L'Ivanhoé de Walter Scott, l'avait d'abord fort ennuyé. Puis, une curiosité singulière lui était venue. Elle l'achevait, attendrie parfois, prise d'une lassitude, et elle le laissait tomber de ses mains pendant de longues minutes, les regards fixés sur le vaste horizon. Ce matin-là, Paris mettait une paresse souriante à s'éveiller. Une vapeur qui suivait la vallée de la Seine avait noyé les deux rives. C'était une buée légère, comme laiteuse, que le soleil peu à peu grandi éclairait. On ne distinguait rien de la ville sous cette mousseline flottante, couleur du temps. Dans les creux, le nuage épaissi se fonçait d'une teinte bleuâtre, tandis que sur de larges espaces, des transparences se faisaient, d'une finesse extrême, poussière dorée où l'on devinait l'enfoncement des rues. Et plus haut, des dômes et des flèches déchiraient le brouillard, dressant leurs silhouettes grises, enveloppées encore des lambeaux de la brume qu'ils trouaient. Par instants, des pans de fumée jaune se détachaient avec le coup d'aile lourd d'un oiseau géant, puis se fondaient dans l'air qui semblait les boire. Et, au-dessus de cette immensité, de cette nuée descendue et endormie sur Paris, un ciel très pur, d'un bleu effacé, presque blanc, déployait sa voûte blanche. Le soleil montait dans un poudroiement adouci de rayons. Une clarté blonde, du blond vague de l'enfance, se brisait en pluie, emplissait l'espace de son frisson tiède. C'était une fête, une paix souveraine et une gaieté tendre de l'infini. Pendant que la ville, criblée de flèches d'or, paresseuse et somnolente, ne se décidait point à se montrer sous ses dentelles. Hélène, depuis 8 jours, avait cette distraction du grand Paris élargi devant elle. Jamais elle ne s'en lassait. Il était insondable et changeant comme un océan, candide le matin et incendié le soir, prenant les joies et les tristesses des cieux qu'il reflétait. Un coup de soleil lui faisait rouler des flots d'or. Un nuage l'assombrissait et soulevait en lui des tempêtes. Toujours, il se renouvelait. C'étaient des calmes plats, couleur orange, des coups de vent qui d'une heure à l'autre plombaient l'étendue, des temps vifs et clairs allumant une lueur à la crête de chaque toiture, des averses noyant le ciel et la terre, effaçant l'horizon dans la débâcle d'un chaos. Hélène goûtait là toutes les mélancolies et tous les espoirs du large. Elle croyait même en recevoir au visage le souffle fort, la senteur amère. Et il n'était pas jusqu'au grondement continu de la ville qui ne lui apportât l'illusion de la marée montante, battant contre les rochers d'une falaise. Le livre glissa de ses mains. Elle rêvait, les yeux perdus. Quand elle le lâchait ainsi, c'était par un besoin de ne pas continuer, de comprendre et d'attendre. Elle prenait une jouissance à ne point satisfaire tout de suite sa curiosité. Le récit la gonflait d'une émotion qui l'étouffait. Paris, justement, ce matin-là, avait la joie et le trouble vague de son cœur. il y avait là un grand charme. Ignorer, deviner à demi, s'abandonner à une lente initiation, avec le sentiment obscur qu'elle recommençait sa jeunesse. Comme ces romans mentaient! Elle avait bien raison de ne jamais en lire. C'étaient des fables bonnes pour les têtes vides, qui n'ont point le sentiment exact de la vie. Et elle restait séduite pourtant. Elle songeait invinciblement au chevalier Ivanhoé, si passionnément aimé de deux femmes, Rebecca, la belle juive, et la noble Lady Rowena. Il lui semblait qu'elle aurait aimé avec la fierté et la sérénité patiente de cette dernière. Aimer, aimer, et ce mot qu'elle ne prononçait pas, qui de lui-même vibrait en elle, l'étonnait et la faisait sourire. Au loin, des flocons pâles nageaient sur Paris, emportés par une brise, pareils à une bande de cygnes. De grandes nappes de brouillard se déplaçaient. Un instant, la rive gauche apparut, tremblante et voilée, comme une ville féerique aperçue en songe. Mais une masse de vapeur s'écroula, et cette ville fut engloutie sous le débordement d'une inondation. Maintenant, les vapeurs, également épandues sur tous les quartiers, arrondissaient un beau lac, aux eaux blanches et unies. Seul, un courant plus épais marquait d'une courbe grise le cours de la Seine. Lentement, sur ces eaux blanches, si calmes, des ombres semblaient faire voyager des vaisseaux aux voiles roses, que la jeune femme suivait d'un regard songeur. Aimée, aimée, et elle souriait à son rêve qui flottait. Cependant, Hélène reprit son livre. Elle en était à cet épisode de l'attaque du château lorsque Rebecca soigne Ivanhoé blessé et le renseigne sur la bataille qu'elle suit par une fenêtre. Elle se sentait dans un beau mensonge. Elle s'y promenait comme dans un jardin idéal, aux fruits d'or, où elle buvait toutes les illusions. Puis, à la fin de la scène, quand Rebecca, enveloppée de son voile, exhale sa tendresse auprès du chevalier endormi, Hélène, de nouveau, laissa tomber le volume, le cœur si gonflé d'émotion qu'elle ne pouvait continuer. Mon Dieu, était-ce vrai, toutes ces choses? Et, renversée dans sa chaise longue, engourdie par l'immobilité qu'il lui fallait garder, elle contemplait Paris noyé, mystérieux, sous le soleil blond. Alors, évoquée par les pages du roman, sa propre existence se dressa. Elle se vit jeune fille, à Marseille, chez son père, le chapelier Mouret. La rue des Petites Maries était noire, et la maison, avec sa cuve d'eau bouillante pour la fabrication des chapeaux, exhalait, même par les beaux temps, une odeur fade d'humidité. Elle vit aussi sa mère, toujours malade, qui la baisait de ses lèvres pâles, sans parler. Jamais elle n'avait aperçu un rayon de soleil dans sa chambre d'enfant. On travaillait beaucoup autour d'elle, on gagnait rudement une aisance ouvrière. Puis, c'était tout. Jusqu'à son mariage, rien ne tranchait dans cette succession de jours semblables. Un matin, comme elle revenait du marché avec sa mère, elle avait heurté le fils Grandjean de son panier plein de légumes. Charles s'était retourné et les avait suivis. Tout le roman de ses amours tenait là. Pendant 3 mois, elle le rencontra sans cesse, humble et gauche, n'osant l'aborder. Elle avait 16 ans. Elle était un peu fière de cet amoureux qu'elle savait d'une famille riche. Mais elle le trouvait laid. Elle riait de lui souvent et dormait des nuits paisibles dans l'ombre de la grande maison humide. Puis, on les avait mariés. Ce mariage l'étonnait encore. Charles l'adorait, se mettait par terre le soir quand elle se couchait pour baiser ses pieds nus. Elle souriait, pleine d'amitié, en lui reprochant d'être bien enfant. Alors, une vie grise avait recommencé. Pendant 12 ans, elle ne se souvenait pas d'une secousse. Elle était très calme et très heureuse, sans une fièvre de la chair ni du cœur, enfoncé dans les soucis quotidiens d'un ménage pauvre. Charles baisait toujours ses pieds de marbre, tandis qu'elle se montrait indulgente et maternelle pour lui. Rien de plus. Et elle vit brusquement la chambre de l'hôtel du Var, son mari mort, sa robe de veuve étalée sur une chaise. Elle avait pleuré, comme le soir d'hiver où sa mère était morte. Ensuite, les jours avaient coulé encore. Depuis 2 mois avec sa fille, elle se sentait de nouveau très heureuse et très calme. Mon Dieu, était-ce tout? Et que disait donc ce livre lorsqu'il parlait de ces grandes amours qui éclairent toute une existence? À l'horizon, sur le lac dormant, de longs frissons couraient. Puis, le lac, tout d'un coup, parut crevé. Des fentes se faisaient, et il y avait, d'un bout à l'autre, un craquement qui annonçait la débâcle. Le soleil, plus haut dans la gloire triomphante de ses rayons, attaquait victorieusement le brouillard. Peu à peu, le grand lac semblait se tarir, comme si quelque déversoir invisible eût vidé la plaine. Les vapeurs, tout à l'heure si profondes, s'amincissaient, devenaient transparentes en prenant les colorations vives de l'arc-en-ciel. Toute la rive gauche était d'un bleu tendre, lentement foncé, violâtre au fond du côté du jardin des plantes. Sur la rive droite, le quartier des Tuileries avait le rose pâli d'une étoffe couleur chair, tandis que vers Montmartre, c'était comme une lueur de braise, du carmin flambant dans de l'or. Puis, très loin, les faubourgs ouvriers s'assombrissaient d'un ton brique, de plus en plus éteint et passant au gris bleuâtre de l'ardoise. On ne distinguait point encore la ville tremblante et fuyante, comme un de ces fonds sous-marins que l'œil devine par les eaux claires, avec leurs forêts terrifiantes de grandes herbes, leurs grouillements pleins d'horreur, leurs monstres entrevus. Cependant, les eaux baissaient toujours. Elles n'étaient plus que de fines mousselines étalées, et, une à une, les mousselines s'en allaient. L'image de Paris s'accentuait et sortait du rêve. Aimer, aimer, pourquoi ce mot revenait-il en elle avec cette douceur pendant qu'elle suivait la fonte du brouillard? N'avait-elle pas aimé son mari, qu'elle soignait comme un enfant? Mais un souvenir poignant s'éveilla, celui de son père, que l'on avait trouvé pendu 3 semaines après la mort de sa femme, au fond d'un cabinet où les robes de celle-ci étaient encore accrochées. Il agonisait là, raidi, la figure enfoncée dans une jupe, enveloppée de ses vêtements, qui exhalait un peu de celle qu'il adorait toujours. Puis, dans sa rêverie, il y eut un brusque saut. Elle songeait à des détails d'intérieur, au compte du mois qu'elle avait arrêté le matin même avec Rosalie, et elle se sentait très fière de son bon ordre. Elle avait vécu plus de 30 années dans une dignité et dans une fermeté absolue. La justice seule la passionnait. Quand elle interrogeait son passé, elle ne trouvait pas une faiblesse d'une heure. Elle se voyait d'un pas égal suivre une route unie et toute droite. Certes, les jours pouvaient couler. Elle continuerait sa marche tranquille sans que son pied heurtât un obstacle. Et cela la rendait sévère, avec de la colère et du mépris contre ces menteuses existences dont l'héroïsme trouble les cœurs. La seule existence vraie était la sienne, qui se déroulait au milieu d'une paix si large. Mais, sur Paris, il n'y avait plus qu'une mince fumée, une simple gaze frémissante et près de s'envoler. Et un attendrissement subit s'empara d'elle. Aimer, aimer, tout la ramenait à la caresse de ce mot, même l'orgueil de son honnêteté. Sa rêverie devenait si légère qu'elle ne pensait plus, baignée de printemps, les yeux humides. Cependant, Hélène allait reprendre son livre lorsque Paris, lentement, apparut. Pas un souffle de vent n'avait passé. Ce fut comme une évocation. La dernière gaze se détacha, monta, s'évanouit dans l'air. Et la ville s'étendit sans une ombre sous le soleil vainqueur. Hélène resta le menton appuyé sur la main, regardant cet éveil colossal. Toute une vallée sans fin de constructions entassées. Sur la ligne perdue des coteaux, des amas de toitures se détachaient, tandis que l'on sentait le flot des maisons rouler au loin, derrière les plis de terrain, dans des campagnes qu'on ne voyait plus. C'était la pleine mer, avec l'infini et l'inconnu de ses vagues. Paris se déployait, aussi grand que le ciel. Sous cette radieuse matinée, la ville, jaune de soleil, semblait un champ d'épis mûrs. Et l'immense tableau avait une simplicité, deux tons seulement, le bleu pâle de l'air et le reflet doré des toits. L'ondée de ces rayons printaniers donnait aux choses une grâce d'enfance. On distinguait nettement les plus petits détails, tant la lumière était pure. Paris, avec le chaos inextricable de ses pierres, luisait comme sous un cristal. De temps à autre, pourtant, dans cette sérénité éclatante et immobile, un souffle passait. Et alors, on voyait des quartiers dont les lignes mollissaient et tremblaient, comme si on les eût regardés à travers quelque flamme invisible. Hélène, d'abord, s'intéressa aux larges étendues déroulées sous ses fenêtres, à la pente du Trocadéro et au développement des quais. Il fallait qu'elle se penchât pour apercevoir le carré nu du Champ de Mars, fermé au fond par la barre sombre de l'école militaire. En bas, sur la vaste place et sur les trottoirs, aux deux côtés de la Seine, elle distinguait les passants. Une foule active de points noirs emportée dans un mouvement de fourmilière. La caisse jaune d'un omnibus jetait une étincelle. Des camions et des fiacres traversaient le pont, gros comme des jouets d'enfants, avec des chevaux délicats qui ressemblaient à des pièces mécaniques. Et, le long des talus gazonnés, parmi d'autres promeneurs, une bonne en tablier blanc tachait l'herbe d'une clarté. Puis Hélène leva les yeux. Mais la foule s'émiettait et se perdait, les voitures elles-mêmes devenaient des grains de sable. Il n'y avait plus que la carcasse gigantesque de la ville, comme vide et déserte, vivant seulement par la sourde trépitation qui l'agitait. Là, au premier plan, à gauche, des toits rouges luisaient. Les hautes cheminées de la manutention fumaient avec lenteur. Tandis que, de l'autre côté du fleuve, entre l'esplanade et le Champ de Mars, un bouquet de grands ormes faisait un coin de parc, dont on voyait nettement les branches nues, les cimes arrondies, teintées déjà de pointes vertes. Au milieu, la Seine s'élargissait et régnait, encaissée dans ses berges grises, où des tonneaux déchargés, des profils de grues à vapeur, des tombereaux alignés, mettait le décor d'un port de mer. Hélène revenait toujours à cette nappe resplendissante sur laquelle des barques passaient, pareilles à des oiseaux couleur d'encre. Invinciblement, d'un long regard, elle en remontait la coulée superbe. C'était comme un galon d'argent qui coupait Paris en deux. Ce matin-là, l'eau roulait du soleil, l'horizon n'avait pas de lumière plus éclatante. Et le regard de la jeune femme rencontrait d'abord le pont des Invalides, puis le pont de la Concorde, puis le pont Royal. Les ponts continuaient, semblaient se rapprocher, se superposaient, bâtissant d'étranges viaducs à plusieurs étages, troués d'arches de toutes formes. Pendant que le fleuve, entre ses constructions légères, montrait des bouts de sa robe bleue, de plus en plus perdus et étroits. Elle levait encore les yeux. Là-bas, la coulée se séparait dans la débandade confuse des maisons. Les ponts des deux côtés de la cité devenaient des fils tendus d'une rive à l'autre. Et les tours de Notre-Dame, toutes dorées, se dressaient comme les bornes de l'horizon, au-delà desquelles la rivière, les constructions, les massifs d'arbres n'étaient plus que de la poussière de soleil. Alors, éblouie, elle quitta ce cœur triomphal de Paris, où toute la gloire de la ville paraissait flamber. Sur la rive droite, au milieu des futaies des Champs-Élysées, les grandes verrières du palais de l'Industrie étalaient des blancheurs de neige. Plus loin, derrière la toiture écrasée de la Madeleine, semblable à une pierre tombale, se dressait la masse énorme de l'Opéra. Et c'étaient d'autres édifices, des coupoles et des tours, la colonne Vendôme, Saint-Vincent-de-Paul, la tour Saint-Jacques, plus près les cubes lourds des pavillons du Nouveau Louvre et des Tuileries, à demi enfouis dans un bois de marronniers. Sur la rive gauche, le dôme des Invalides ruisselait de dorures. Au-delà, les deux tours inégales de Saint-Sulpice pâlissaient dans la lumière. Et, en arrière encore, à droite des aiguilles neuves de Sainte-Clotilde, le Panthéon bleuâtre, assis carrément sur une hauteur, dominait la ville, développait en plein ciel sa fine colonnade, immobile dans l'air, avec le ton de soie d'un ballon captif. Maintenant, Hélène, d'un coup d'œil paresseusement promené, embrassait Paris entier. Des vallées s'y creusaient, que l'on devinait au mouvement des toitures. La butte des moulins montait avec un flot bouillonnant de vieilles ardoises, tandis que la ligne des grands boulevards dévalait comme un ruisseau, où s'engloutissait une bousculade de maisons dont on ne voyait même plus les tuiles. À cette heure matinale, le soleil oblique n'éclairait point les façades tournées vers le Trocadéro. Aucune fenêtre ne s'allumait. Seuls, des vitrages sur les toits jetaient des lueurs, de vives étincelles de mica, dans le rouge cuit des poteries environnantes. Les maisons restaient grises, d'un gris chauffé de reflets, mais des coups de lumière trouaient les quartiers. De longues rues qui s'enfonçaient, droites devant Hélène, coupaient l'ombre de leurs raies de soleil. À gauche seulement, les buttes Montmartre et les hauteurs du Père-Lachaise bossuaient l'immense horizon plat, arrondi sans une cassure. Les détails si nets au premier plan, les dentelures innombrables des cheminées, les petites hachures noires des milliers de fenêtres, s'effaçaient, se chinaient de jaune et de bleu, se confondaient dans un pêle-mêle de villes sans fin, dont les faubourgs hors de la vue semblaient allonger des plages de galets, noyées d'une brume violâtre, sous la grande clarté épandue et vibrante du ciel. Hélène, toute grave, regardait, lorsque Jeanne entra joyeusement. « Maman, maman, vois donc !» L'enfant tenait un gros paquet de giroflées jaunes, et elle raconta, avec des rires, qu'elle avait guetté Rosalie rentrer des provisions pour voir dans son panier. C'était sa joie de fouiller dans ce panier. « Vois donc, maman, il y avait ça au fond. Sens un peu la bonne odeur. » Les fleurs fauves, tigrées de pourpre, exhalaient une senteur pénétrante qui embaumait toute la chambre. Alors Hélène, d'un mouvement passionné, attira Jeanne contre sa poitrine pendant que le paquet de giroflées tombait sur ses genoux. Aimer, aimer, certes, elle aimait son enfant. N'était-ce point assez, ce grand amour qui avait empli sa vie jusque-là? Cet amour devait lui suffire, avec sa douceur et son calme, son éternité qu'aucune lassitude ne pouvait rompre. Et elle serrait davantage sa fille, comme pour écarter des pensées qui menaçaient de la séparer d'elle. Cependant, Jeanne s'abandonnait à cette aubaine de baisers. Les yeux humides, elle se caressait elle-même contre l'épaule de sa mère, avec un mouvement câlin de son cou délicat. Puis, elle lui passa un bras à la taille. Elle resta là, bien sage, la joue appuyée sur son sein. Entre elles, les giroflées mettaient leur parfum. Longtemps, elles ne parlèrent pas. Jeanne, sans bouger, demanda enfin à voix basse. « Maman, tu vois là-bas, près de la rivière, ce dôme qui est tout rose, qu'est-ce donc ? » C'était le dôme de l'Institut. Hélène, un instant, regarda, parut se consulter, et doucement, « Je ne sais pas, mon enfant. » La petite se contenta de cette réponse. Le silence recommença. Mais elle posa bientôt une autre question. « Et là, tout près, ces beaux arbres » reprit-elle en montrant du doigt une échappée du jardin des Tuileries. « Ces beaux arbres !» murmura la mère. « À gauche, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, mon enfant. » « Ah !» dit Jeanne. Puis, après une courte rêverie, elle ajouta avec une moue grave « Nous ne savons rien !» Elle ne savait rien de Paris, en effet. Depuis 18 mois qu'elle l'avait sous les yeux à toute heure, elle n'en connaissait pas une pierre. 3 fois seulement elles étaient descendues dans la ville, mais remontée chez elle, la tête malade d'une telle agitation, elle n'avait rien retrouvé au milieu du pêle-mêle énorme des quartiers. Jeanne, pourtant, s'entêtait parfois. « Ah, tu vas me dire, » demanda-t-elle, « ces vitres toutes blanches, c'est trop gros, tu dois savoir. » Elle désignait le palais de l'Industrie. Hélène hésitait. « C'est une gare ? Non, je crois que c'est un théâtre. » Elle eut un sourire. Elle baisa les cheveux de Jeanne en répétant sa réponse habituelle. « Je ne sais pas, mon enfant. » Alors, elles continuèrent à regarder Paris, sans chercher davantage à le connaître. Cela était très doux de la voir là et de l'ignorer. Il restait l'infini et l'inconnu. C'était comme si elles se fussent arrêtées au seuil d'un monde dont elles avaient l'éternel spectacle en refusant d'y descendre. Souvent, Paris les inquiétait lorsqu'il leur envoyait des haleines chaudes et troublantes. Mais ce matin-là, il avait une gaieté et une innocence d'enfant. Son mystère ne leur soufflait que de la tendresse à la face. Hélène reprit son livre, tandis que Jeanne, serrée contre elle, regardait toujours. Dans le ciel éclatant et immobile, aucune brise ne s'élevait. Les fumées de la manutention montaient toutes droites en flocons légers qui se perdaient très haut. Et au ras des maisons, des ondes passaient sur la ville, une vibration de vie faite de toute la vie enfermée là. La voix haute des rues prenait dans le soleil une mollesse heureuse. Mais un bruit attira l'attention de Jeanne. C'était un vol de pigeons blancs, parti de quelques pigeonniers voisins, et qui traversait l'air en face de la fenêtre. Ils emplissaient l'horizon. La neige volante de leurs ailes cachait l'immensité de Paris. Les yeux de nouveau levés et perdus, Hélène rêvait profondément. Elle était Lady Rowena. Elle aimait avec la paix et la profondeur d'une âme noble. Cette matinée de printemps, cette grande ville si douce, ses premières giroflées qui lui parfumaient les genoux, avaient peu à peu fondu son cœur.